J'connais pas le grand ensemble, et gros j'tombe-le. Je vois des traîtres qui m'envelent. Mais j't'en tombe sous la famille, m'a du taureau. Terminator, t'en es à 48 euros. J'pars à fond, là j'suis vers les stacks. Qu'est-ce t'as fait, c'est un bilou et dans les stacks. Wesh, Moubarak, t'as toute ma baraka. C'est Cario, tu barrio, faut que j'les fasse danser Founana. Founana, ils volent mes sous, mon buzz et ma nana. J'débarque en jet ski, regarde du ski. 14 juillet ski, des games avec ski. T'as voulu la test, mais ils connaissent. Tu joues la maladresse, maintenant ouais tu sens en stress. Ratatata, les petits sont postés. Ratatata, Marseillais, Lyonnais. Ratatata, le grand dans tes spirites quittés. Fumeur cheaté, balance cité. Commerce pisté, tes plans risqués. Tes limaces qu'elles finir casquées. De qualité, même quand je mens, c'est la vérité. J'paye le loyer, j'cache la drogue chez Tagadjis. J'lui donne une puce et je remplis son caddie. J'fais des showcases, ça croit que j'suis millionnaire. J'ai pas ouvert d'un, j'vais toujours à Footlocker. Nique ta, nique ta, ton fils on l'connaît par cœur. Tu caches ton shit, tu fais fumer toute ma peur. Rêve de vida loca, moi je remets celle du synthé. H24 sous drogue, comme ça qu'on s'est plaisanté. Y'a ton cœur détruit, y'a mon quartier en chantier. Si ça gratte partout, tous on veut bien manger. Bientôt on est dans le game, poteau ça vient de Lyon. On vient de loin, belle qu'on va vous faire don. Merlis, toi t'aimes pas, je fais danser mes angos. Les ratus, c'est samedi qui sont beaux. Pour bichon à Villefranche, parole du P0. Après 7 jours, faut faire la boule à zéro. Cela prend justifié, c'est le retour au très haut. S'arbitre à beau crier, ça te nique en live du studio. C'est la famille, on a la grinta. On va choquer comme fait le blinka. Elle fait la belle, elle fait la pinta. Saiba et Naïta, les pinta. La forêt du terre-terre, c'est la vie des rats. Mon gros, j'ai de la chata dans la minérale. C'est la béquille, ne sera pas latérale. Je suis en kiff, nos vomes, je suis au tribunal. Ya, Yuma, bossez la Homa. J'avais talon de ma reine, j'aurais pu finir à Fura. Ouya, t'as la coupe des Yakuza. Le relève la bécane, normal à 13 ans, Yabuza. Ce soir, c'est Wina. Faut pas, j'me Wina. Ce soir, c'est Wina. Faut pas, j'me Wina. Il fait bep bep, y'a les capiches courts comme bip bip. J'ai frite directement sur la quête. Tu pourrais me croiser sur un zip zip. J'veux braquer le mic comme un lyonnais. Gros béton en billet violet. On sent les dents leur monde qui on est. Les BDA je les nique, je leur rionne. Un 369, j'veux le GSX9. Vis la piscine avec une petite puff. J'suis pas dans les petites teufs. J'fais le signe doule, j'fais la petite top. Ils voient la roue qui se lève. J'vais disquer d'or, j'suis au studio à mes stars. Ouais, j'vais les choquer fort. J'vais les choquer fort. Thank you.